Madame Martel, par Arsène Alexandre. La femme aussi distinguée d'esprit que de race qui s'est acquis une célébrité de pur aloi sous l'alerte pseudonyme de Gyp a pris dans la littérature contemporaine la place que méritent le talent et le caractère. La publication que commence aujourd'hui la lecture illustrée du journal d'un philosophe, une de ses œuvres les plus personnelles, est une excellente occasion pour rendre un hommage à Madame de Martel et chercher à étudier en quelques lignes le talent de Gyp. Chez elle, le caractère, plus que pour un grand nombre d'artistes, explique l'œuvre, aussi c'est par là qu'il faudrait commencer l'esquisse. Seulement, on voudrait avoir autant de sûreté que de délicatesse de trait pour bien dépeindre cette vivacité d'esprit, cette rapide perception des situations, cette prompte faculté de juger les hommes et les femmes, enfin, cette malice à raconter leur ridicule et leur travers. Ce sont là les qualités, pour ainsi dire, combatives de Gyp, mais qui ne sont que le côté brillant, étincelant de sa franchise, de son bon sens et de sa bonté. Dans tous les mondes, même dans le monde, dans les situations de famille, de fortune, de rang les plus enviés, on est toujours aux prises avec la vie. Il y a lutte dès qu'il y a société, et mieux on est doué, plus on est forcé de se tenir en garde contre l'hostilité des autres, ou plus on perçoit vivement leurs défauts. C'est déjà près de la moitié de ce qu'il faut pour devenir un excellent écrivain. La seconde partie des qualités nécessaires est un sentiment très naturel, très spontané de l'art sous toutes ses formes, et cela aussi, Madame de Martel le trouva comme une sorte d'héritage. Supposez donc une jeune fille du monde, d'une éducation extrêmement sérieuse et solide. On n'imagine pas assez combien il faut un fond sérieux pour faire de bons badinages. De nature fine, gracieuse et sensible, mise en garde par cette nature même contre le respect exagéré, sinon des principes, du moins de leurs représentants. En même temps, douée d'une curiosité et d'une indépendance rare, que la bonté de sa race et la distinction de son esprit maintiendront toujours sans reproche, quelle que soit leur hardiesse. Voilà-t-il pas déjà de quoi faire un personnage de premier ordre, saillant entre tous, au milieu de l'indifférence guindée, de la bonne tenue, de l'absence d'idées et de sensations qui caractérisent l'ensemble de la bonne société. Que de tact exquis, que de souplesse, que d'énergie en même temps, il faudra pour se faire pardonner tant de qualités en dehors du commun. Et plus tard, que de bravoure il faudra à la jeune femme pour faire profession de ses qualités mêmes, pour les arborer fièrement, pour les cultiver avec art, pour s'en faire une personnalité. On n'imagine pas combien Madame de Martel est brave. Elle a toujours montré tant d'aisance dans ses manières, dans ses conversations, dans ses écrits, qu'elle a paru dire et faire les choses les plus simples du monde. Mais si l'on voulait bien se donner la peine d'y réfléchir un peu, l'on verrait que sur 20 hommes faisant métier d'écrire et capables de tirer l'épée pour des causes futiles, il n'y en a pas deux qui auraient le pied aussi ferme et qui accepteraient de gaieté de cœur les chances de se faire un nombre aussi formidable d'ennemis. Les autres paraîtraient de vils opportunistes, préoccupés de ménager les situations et d'encenser les personnes. Or, les qualités de pénétration et d'observation de Madame de Martel se doublent justement d'une franchise fougueuse et de dons d'expression saisissants et rares. Ce qu'elle a vu, ce qui l'a amusé ou irrité, il faut qu'elle le lise, et elle ne peut le dire que d'une façon rapide, imagée, entraînante, avec cet accent indéfinissable qui constitue l'artiste vrai. Madame de Martel, parlant avec une verve, une abondance et une justesse admirables, écrit comme elle parle. J'entends avec la même aisance et le même bonheur. On jurerait volontiers qu'elle est devenue écrivain sans s'en apercevoir. Si je reprends en mots plus précis cette sorte d'analyse, je dirais donc que le caractère de Madame de Martel est fait de la noblesse de sentiment qu'est l'apanage d'une femme de race et d'éducation supérieure, puis d'observations très philosophiques, de courage très viril, du besoin de donner à ses observations une forme artistique. Enfin, que sur tout cela est répandu le charme et la bonne grâce qui sont le meilleur des talismans contre les rancunes et les sottises. Le besoin d'exprimer artistement est un des traits les plus curieux de Gyp. Elle est arrivée à un entraînement d'écriture qui fait l'étonnement et l'envie de plus d'un écrivain, homme, s'entend, très laborieux. Je ne sais plus dans quel portrait non exempt d'un petit filet de malveillance, où Madame de Martel me semble avoir été visée, l'auteur faisait dire à la femme de lettres qu'il essayait de mettre en scène toutes sortes de choses sur toutes sortes de sujets pour arriver à un étonnement profond lorsque son interlocuteur lui rappelait qu'elle avait fait des livres, beaucoup de livres. « Mais je ne sais pas, moi, » s'écriait-elle, « cela regarde mon éditeur, qui vient peut-être de temps en temps prendre par surprise des feuillets de papier que je griffonne à mes moments perdus. » L'intention caricaturale était un peu appuyée, et Madame de Martel, soyez-en certain, éprouve le plaisir que doit éprouver tout véritable écrivain à composer et à écrire un livre. Elle sait fort bien que son œuvre n'est pas caprice d'amateur, mais la préparation de ses romans et de ses études l'amuse certainement autant que leur exécution, et la vie, dont elle fait des livres, ne la passionne pas moins que ses livres eux-mêmes. En un mot, elle est laborieuse, mais vivante, et c'est ce qui donne à ses ouvrages ce tour si courant et si naturel. Il n'en faut pour preuve que le bonheur avec lequel elle cause de ses modèles favoris. Une conversation avec elle est un plaisir exquis, à la condition, bien entendu, que vous soyez de son parti, c'est-à-dire que vous haïssiez les mêmes ridicules et les mêmes méchancetés. Car je ne réponds pas que tel ou tel des gens chics éprouverait le même amusement à s'entretenir avec elle. Il y aurait quelques froideurs, mais je ne supposerais pas une situation aussi anormale. Qui ne se ressemble pas se garde de s'assembler. Telle, vous la voyez en ces quelques portraits gravés ici et la représentant à divers moments de sa vie, telle elle est, mobile, gracieuse, avec de la gaieté plein les yeux, une vivacité de souvenirs, de traits, de réflexions drôles qui se pressent, qu'elle jette à pleine main, mais qui sont si relevées d'élégance et de bon sens que l'on pense encore plus qu'on ne rit. Comme je l'ai dit, son talent ressemble à elle, et ce qui vient d'être écrit de sa conversation pourrait être répété textuellement pour ses livres. Elle s'est fait, tout naturellement, d'abord, une originalité de forme incontestable. Cela consiste en une espièglerie, une gaminerie particulière, un époustage rapide et léger des gens très corrects et très vides, ou très brillants et très méprisables, ou encore une espèce d'attention très amusée et légèrement ironique apportée à l'étude physiologique et psychologique, autant qu'il peut y avoir psychologie lorsqu'on étudie des âmes réduites à la plus simple expression. À l'étude, dis-je, du bel animal qu'est la jolie femme, belle à faire peur et bête à faire plaisir. Pour tout cela, en quelques mots, Gyp trouve des silhouettes guindées de diplomates, ou des poses alanguies de mondaines, ou des bedonnements de financiers, ou des sécheresses ahuries de douairières, qui sont les choses les plus réjouissantes du monde et les plus philosophiques en même temps que les plus littéraires. Elle s'est créée, pour camper ses personnages, tout un répertoire de noms propres plaisamment caricaturaux, mais qui font mieux image que les Léandre, Octave, Isabelle et Lucinde d'autrefois. Ce sont les Belle-Œil, les Frileuses, les Doubly, les Madame de Rebondy, Madame d'Encoche, Madame d'Oasis, que sais-je encore. Personnages de la troupe parisienne, non moins alertes, comiques ou sautillants, que furent de leur temps ceux de l'antique troupe italienne. Elle a aussi tout un système de réticence, des phrases coupées, comme dans la conversation naturelle, quand les gens sont très bêtes ou très malins, ne sachant pas exprimer leurs pensées ou coupent en cours pour la rattraper ou la déguiser. Puis encore des réponses muettes, des répliques consistant en une ligne de points ou une rangée de points d'interrogation, d'exclamation, qui n'ont l'air de rien, qui ont l'air faciles à trouver, mais qui soulignent drôlement la phrase précédente et qui sont en même temps comme le clin d'œil échangé entre le narrateur et ceux qui le lisent lorsqu'un personnage est par trop odieux ou par trop naïf. Tout cet attirail de ponctuation, de noms propres, de sobres grimaces, de tics saisis, de mordantes petites flèches, appartient en propre à Gyp et on n'a pas pu la copier car tout pastiche aurait été insupportable. Quant au mérite du fond, il dépasse encore à notre gré la curiosité piquante de la forme. Elle s'est attaquée bravement à tout ce qui se rencontrait sur son chemin de sottise, de vice et de lâcheté, avec l'intrépidité de la frondeuse, mais frondeuse pour le bon motif. C'est Madame Gavroche en robe de bal, mais l'esprit de Gavroche mis au service d'une très belle sensibilité et d'une générosité très raisonnée. Aussi le monde la craint, mais ne saurait lui rendre une méchanceté pour ses mille cinglades, tant il la sent vraiment distinguée et tant il la sait irréprochable. Les puissants la haïssent ferme, ce qui fait son bonheur. Un amusement qu'on ne saurait exprimer. Elle a eu la curiosité de voir de très près, sans s'y mêler, en passant, mais en regardant très attentivement, le haut personnel politique. Le joli chapelet de gaffes, de béotisme, de dépaysement, de niaiserie et de prétention qu'elle a rapporté de son exploration. Quant au monde de la haute finance, elle en dit sans cesse l'insolence et l'épaisseur. Elle hait les races exotiques d'une bonne haine bien française, mais avec tant de prestesse encore et tant de fine ironie s'exprime cette haine que toute la puissance de ses ennemis ne peut s'emparer d'un des pavés de sa barricade pour le lui lancer. Tout cela est net et brave, et tout cela a du succès parce que c'est présenté avec un franc et joli rire, avec une imagination de romancière qui impose, sans qu'on y prenne garde, les convictions de la penseuse. Le comte fait passer la bataille avec lui. D'ailleurs, je ne serais pas surpris qu'en lisant ceci, Madame de Martel se prit à rire, en disant qu'elle n'y entend pas tant de profondeur. Elle a en effet bien trop d'esprit pour prendre une attitude, cette chose ridicule qui transforme un écrivain, s'il n'y prend garde, en sa propre statue. Je ne vous conduirai pas, à la façon d'un reporter, chez Madame de Martel, pour vous décrire sa maison de Neuilly, son jardin, son home, ses bibelots favoris. Cela a été fait dans des livraisons spéciales pour ces sortes de curiosités. Je dirai seulement qu'il y a chez elle un goût d'arrangement très original, très personnel, qui a trouvé entre autres une de ses expressions dans ce très curieux costume qu'elle s'était fait naguère, avec une robe de bonne femme, un chapeau cabriolet, une face à main, braquée sur les objets et les gens, d'un air de sang-froid et d'interrogation comique. Pour être étrange, ce n'était pas moins de fort bon ton. C'est dans ce costume que j'ai vu une fois, n'ayant pas alors l'honneur d'être en relation avec elle, Gyp exerçant au salon le sacerdoce de la critique d'art. Ayant eu l'indiscrétion d'écouter un instant ce qu'elle disait devant les tableaux, je crois que ceux que le hasard aurait favorisés de la même aubaine, même s'ils avaient été les exposants qu'elle époustait en passant, n'auraient pu se tenir de rire. Mon Dieu que c'était drôle! Ce que fut son salon écrit, je ne m'en souviens pas, mais son salon parlé était un rêve. Si j'en suis venu à parler d'art, c'est que c'est une des passions et un des instincts de Madame de Martel. Les dessins de Bob, qui font l'admiration, par leur comique aisé et bouriffant, d'artistes tels que Braquemont, Forain, Toulouse-Lautrec et l'excellent peintre, son ami, Loïs Breslau. Les pastels de Gyp, tout baignés de lumière et avec un sens réel de l'enveloppe, sont des choses d'art réel et non des caprices d'amateurs. Les dessins de Bob ont trouvé dans le rire et dans l'illustration de ce livre de premier ordre, les gens chics, leur plus surprenante expression, forme et couleur. Pour résumer ce portrait, autant qu'on peut donner ce nom à une hâtive et médiocre esquisse, il me semble qu'il n'y aurait rien de mieux à faire que d'appliquer, en l'arrangeant un peu, à Madame de Martel ce qu'elle dit de Madame de Thiel dans Le Bonheur de Ginette. Elle passait, aux yeux des gens qui étalent à tout propos le respect des vieilles traditions, pour irrespectueuse, révolutionnaire, que sais-je, mais elle avait infiniment plus que la dignité de la race et l'aristocratie du goût. Ainsi s'achève ce court portrait de Madame de Martel, dite Gyp, par Arsène Alexandre.